On va parler de football collégial puisque ça ouvre bientôt la saison de football collégial. Bon, les Cougars de Chicoutimi sont en plein camp d'entraînement. Question de savoir comment ça va parce que, évidemment, ça va commencer bientôt. On parle avec l'instructeur-chef Nick Menacci. Salut, Nick. Bonjour. Nick, effectivement, ça commence Ça va bien? bientôt. Oui, ça va bien passer. Bel été, Nick. Oui, absolument. Un été rempli de football. Ah oui, ça fait longtemps que tu travailles. Donc j'imagine que dès ta nomination, je pense au mois de décembre, tu as été très agressif sur le recrutement. Puis de voir que le camp d'entraînement débute bientôt, ça doit quelque part t'aider. Puis ça, tu dois avoir un peu de papillon dans l'estomac là. Oui, absolument. Ben, dans le fond, nous, là, on est rendu vraiment, on est rendu à jouer vendredi, là. Fait Ok, que ouais. le camp d'entraînement est derrière nous. Ok. On était très nombreux. On était vraiment contents de voir le nombre de joueurs qu'on avait en pratique. C'était très agréable. C'était très le fun de voir au camp autant de joueurs nombreux puis autant de joueurs de calibre ensemble. Ça, c'était vraiment le fun. OK. Sur quoi vous avez travaillé durant le camp d'entraînement? Sur la préparation, sur le recrut, sur le sur le sur quoi qu'on a plus misé, mettons? Ben, beaucoup sur la préparation, sur les petits détails. Tu sais, on est une équipe très, très jeune. Comme tu as dit tantôt, j'ai été très agressif dans le recrutement. Donc, ça l'a fait quoi? Ça l'a fait qu'on a, sur 55 joueurs, on a 36 recrues. Okay. Donc, c'est certain qu'il y a des petits détails à peaufiner, il y a des petites choses. Donc, on a mis l'emphase vraiment sur l'exécution puis sur réussir chacune des petites choses pour avoir du succès. C'est ça Ouais. qu'on a maximisé pendant le camp. 36 recrues, j'imagine que ça va être une année d'apprentissage pour tout le monde, là, quelque part. J'imagine que, bon, c'est de commencer tranquillement, puis de par la suite finir assez fort, puis de mêler les cartes, c'est ça, j'imagine, l'objectif. Exactement, c'est exactement ça. T'sais, nous, on ne se donne pas d'objectifs en termes de victoire-défaite, on se donne plutôt des objectifs en termes de succès. On veut connaître du succès dès la première journée. Pour nous, du succès, c'est quoi? C'est de s'améliorer, c'est de faire, comme je te disais tout à l'heure, de faire les petits détails comme il faut. T'sais, je veux dire, vendredi, là, dans moins de 2 jours, j'ai 36 jeunes qui vont fouler le terrain du CAC, qui vont jouer leur premier match collégial devant une bonne foule, parce que c'est une rivalité régionale, donc... Ouais. Ouais, ça va être stressant pour ces jeunes-là, puis tu sais, c'est stressant pour moi aussi, là. Donc, si c'est stressant pour moi, je me dis que pour un jeune de 17 ans, c'est quelque chose quand même. Donc, on a travaillé là-dessus aussi, là. On a travaillé sur l'aspect mental avant ce match-là. OK. Parle-moi maintenant des gars de Joe du Lac, parce que tu en as recruté quand même quelques-uns, dont ton carrière. Est-ce qu'Alexandre Voisine a été confirmé comme carrière partant? Non, Alexandre n'est pas confirmé comme carrière partant. OK. Sauf que Alexandre est dans la bataille toujours pour être le carrière partant. Dans le fond, nous, on a un carrière qui est un carrière vétéran en Raphaël Cyr qui est là, qui est présent. Alexandre, il est pas. Moi, quand je l'ai recruté, je ne l'ai pas recruté pour comme un bibelot. Je l'ai recruté OK. comme un joueur qui était capable de jouer dès demain matin. Donc, c'est pas parce que, exemple, en ce moment, si on dit il est deuxième en ce moment, il est deuxième, mais il va avoir du temps de jeu dès la première journée, là, parce que c'est un excellent carrière. OK, effectivement, je pense que quelque part, c'est comme n'importe quoi. Un jeune qui est freshman, exemple, faut qu'il apprenne un peu, puis ce serait peut-être pas sage de l'envoyer tout de suite dans la mêlée comme carrière numéro un, là. T'sais, t'as un cahier de jeu à apprendre, j'imagine. Exactement, ça Ouais. serait pas. Et ça. Donc, t'as un Ça serait cahier. pas, ça serait pas correct de notre part de le lancer dans la mêlée comme ça. Puis, tu sais, surtout que. Mais il serait capable. Il serait capable d'y aller tout de suite parce qu'il nous l'a montré pendant les pratiques là, de ce qu'il était capable de faire. Puis c'est un carrière qui peut battre des équipes avec son bras et ses jambes. C'est un très bon carrière. Donc, je ne suis pas inquiet si Alexandre a embarqué sur le terrain. Je suis pas inquiet qu'Alexandre va livrer la marchandise. Par contre, est-ce qu'on peut dire qu'Alexandre va jouer comme un vétéran de 3 ans puis qu'il fera pas d'erreur puis qu'il va être en contrôle de tout le terrain? Ça serait illusoire d'y croire, là. Donc, ce qu'on se dit, c'est qu'il faut être patient avec Alexandre. Ça se peut qu'il fasse des erreurs. Ça se peut qu'il fasse des erreurs d'assignement. Mais ça, qu'est-ce qu'on veut avec ça? C'est lui donner du temps de jeu, c'est préparer. Puis on prépare notre futur, là. Ben oui. On joue pas l'avenue de notre programme sur le premier match, mais on est en train de préparer ça. OK. Puis on a 2 autres carrières. Tu sais, on est 4 carrières cette année. Fait que Alexandre est en compétition à tous les jours avec le numéro 1, mais tu sais, le numéro 3 est en compétition avec Alexandre à tous les jours pour devenir le numéro 2 aussi. Ben oui, effectivement. Les autres joueurs que tu as recrutés, parce que comme tu as dit, comme je disais en début d'entrevue, tu étais très agressif sur le recrutement. C'est que, oui. Parle-moi des autres joueurs. Je pense que tu en as quelques-uns du Haut-du-Lac aussi. Hein? Oui, j'ai quelques joueurs du Haut-du-Lac. J'ai Marc-Antoine Jean. Okay. Qui est un joueur de ligne offensive qui jouait pour les Centurions de Saint-Félicien. Okay. C'est un gars de Normandin. Okay. C'est un excellent joueur. C'est un excellent joueur de ligne offensive. Un gabarit de 6 pieds 3, 295 livres. Okay. C'est un gars qui va... C'est un petit gars qui va commencer à 16 ans. Là, qui va jouer son premier match à 16 ans. Donc, vendredi, là, c'est ça. Il va s'installer puis il peut être installé devant un gars de 21 ans. Là. C'est un gars qui va voir du. C'est ça, c'est contre des hommes, là, tu sais. Ouais. C'est un jeune garçon, puis là, il va jouer contre des hommes. Fait, mais il va apprendre. C'est le meilleur moyen d'apprendre, c'est ça. OK. Philippe Veilleux, qui aussi va voir beaucoup de temps de jeu sur la ligne défensive dès la première journée. Okay. C'est un excellent joueur qui nous vient des Lynx du PWD. Ouais. C'est un gars qui vient de Saint-Augustin-de-Dalmas. Oui, effectivement. C'est un gars qui va nous aider vraiment dès le départ, là, dès la première minute. Ensuite de ça, on a Ludovic Taillon, qui est de Saint-Prime. Ouais. Et on a également Mathieu Larouche. Ludovic, c'est un receveur de passe de Saint-Félicien. Ouais. Et Mathieu Larouche, qui est un demi-défensif aussi de Saint-Félicien. Qui, à moins que je me trompe, là, c'est aussi un gars de Saint-Prime. OK. Dans le fond, ça fait le tour un petit peu là, pour mes gars du Haut-du-Lac. Moi, j'en ai 5. Puis, pour moi, c'est quand même pas mal, parce que les Cougars de Chicoutimi avaient de la difficulté à recruter au Lac-Saint-Jean dans les dernières années. Pourquoi, hein? Et pour moi, c'est une très belle personne. Pourquoi, hein? Ah, ben, peut-être la proximité. Ouais. Peut-être, tu sais, dans les dernières années, tu sais, la façon que c'était fait un petit peu aussi, les joueurs de Saint-Félicien allaient beaucoup au cégep de Jonquière. Ouais. Parler à cause des techniques, des choses comme ça. Il y a beaucoup de techniques physiques au cégep de Jonquière. Donc, les joueurs finissaient par aller là. Sauf que là, on les a montré qu'est-ce qu'on était capable de faire, ce qu'on avait à offrir. Donc, cette année, il y avait 5 joueurs finissant à Saint-Félicien. Il y en a un qui joue à CNDF, qui est Charles-Émile. Ouais. Ensuite de ça, il y en a un autre, si je ne me trompe pas, qui est à l'Apocatière, puis les 3 autres sont chez nous. Okay. Ça veut dire que je suis très, très, très content à ce niveau-là. C'est une belle percée, effectivement. Mais le gars de 16 ans, de Normandin, c'est-tu un gars qui peut avoir du talent, du potentiel intéressant pour même le niveau universitaire? Ah, absolument. Absolument. Ouais. Il est encore tôt. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans sa vie. Ouais. On est encore loin. Puis tu sais, hein, des fois, c'est pas juste au niveau football, c'est pas juste au niveau physique. Ouais, des fois, c'est au niveau scolaire. Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'il va continuer pour aller? Est-ce que son cours se donne à l'université? Est-ce qu'il a besoin de l'université? C'est toutes ces choses-là qu'on va voir avec le temps. Sauf qu'au niveau du potentiel, ça, c'est certain. Vraiment, c'est un potentiel énorme. Marc-Antoine Jean a un potentiel énorme. OK. Parle-moi de ton équipe. La force de ton équipe, tu l'as dit, elle est jeune, mais parle-moi du reste. Est-ce que meilleure équipe défensive, meilleure équipe... au niveau de l'attaque, au niveau des également des unités spéciales, c'est quoi en fait? Bien, offensivement, on devrait avoir une équipe quand même très jeune. Ouais. J'avais pas beaucoup de vétérans. Donc, tu sais, quand les gens qui vont venir voir le match vendredi, ils vont se rendre compte que sur le terrain, sur 12 joueurs partants, il peut avoir 7 ou 8 recrues. Donc, c'est difficile de prévoir comment ça va se dérouler de cette façon-là, sauf que on a recruté des joueurs qui ont beaucoup de... Comment je pourrais dire ça? Qui ont beaucoup de punch à l'attaque. Donc, on s'attend à avoir une belle attaque, une attaque qui bouge beaucoup, une attaque agressive. Okay. C'est la même chose pour nos unités spéciales. On met beaucoup de temps. Moi, je mets beaucoup d'emphase là-dessus parce que je crois beaucoup à ça. Donc, au niveau des unités spéciales, on devrait être une équipe quand même assez talente. Et en défensive, on est plus vieux. En défensive, on a des joueurs un peu plus des gars de deuxième, de troisième année, mixés avec des joueurs recrues, donc on devrait avoir une bonne défense. Si je ne me trompe pas, Que je suis capable de dire là, si on va être meilleur en défensive ou à l'offensive, c'est difficile à dire pour l'instant. OK. Si je ne me trompe pas, ça a mal fini un peu l'année. Je veux pas mal parler comme mon ancien collaborateur Martin Gagnon, mais je pense qu'il y avait un désintéressement des joueurs et ainsi de suite, si je ne me trompe pas. Est-ce que ça, tu as eu beaucoup, vu que Nick Menachie est arrivé en poste, est-ce que tu as eu beaucoup de travail à faire de ce côté-là pour regrouper tout le monde et ramener l'intérêt un peu chez les joueurs? Ben, moi, ma façon de voir les choses, quand je suis arrivé ici, dans le fond, j'ai fait table rase de ce qui se faisait, de ce qui se faisait à l'époque. Okay. Donc, moi, je suis reparti avec des nouvelles bases. Je suis reparti avec ma façon de faire. Donc, j'ai vraiment mis tout ça à ma main. Fait que il n'y a pas eu de transition entre les deux. Mais c'est certain que, j'ai perdu des joueurs aussi pendant l'hiver, là, parce que, je suis quelqu'un de quand même rigoureux. Donc, ça faisait peut-être pas le bonheur de tout le monde. Mais ça, j'étais prêt à vivre avec ça. Au final, comme je dis, les joueurs qui voulaient rester, les joueurs qui étaient prêts à embarquer dans ce que je voulais faire, puis dans la structure que j'étais en train de mettre en place, ils sont là. Ces gens-là, ils ont embarqué depuis le début. Les courses cet hiver à 6h le matin, la piscine, le yoga, ils ont embarqué là-dedans full time, puis moi je suis bien content de mes gars en ce moment. OK. Malik Menachie, très intéressant, on va avoir le plaisir de se reparler sûrement durant l'année, puisque tu as 5 gars du lac Saint-Jean, fait que du haut du lac, fait que ça m'intéresse de connaître ce qui se passe avec les 5 gars, puis on va s'en reparler. Je suis toujours disponible, Danny, merci beaucoup. Nick Menachie, l'instructeur des Cougars de Chicoutimi.